There's a meeting in my bed. My bed. There's a meeting in my bed. My bed. Sebastian Blessy. Yeah. When Blessy drink na zone. Est-ce que tu es encore? Toi, est-ce que tu vas toujours caresser le chien? Desca, desca, desca. Ma veille est comme un ban, comme un ban. Moi, beaucoup j'aime jouer le monde ça. Moi, beaucoup j'aime jouer le monde ça. Dis-moi qui ça pour Aksam gen yon, mante fè fonksyon san bezwen.